2019 n'aura pas seulement été la deuxième année la plus chaude enregistrée, elle aura été également l'année des méga incendies. En Amazonie d'abord, où près d'1 million d'hectares sont partis en fumée, ainsi qu'en Sibérie, dans le bassin du Congo, en Californie, et pour conclure l'année en Australie, où ce sont 10 millions d'hectares qui ont brûlé, entraînant la mort 1 milliard d'animaux, d'une trentaine de personnes, ainsi que, bien sûr, des dégâts considérables. Et c'est un paradoxe de notre époque, autant le nombre d'incendies diminue nettement, autant ces méga incendies incontrôlables sont de plus en plus fréquents et sont amenés à se multiplier dans le futur, nous posant à l'orée du pyrocène, l'ère du feu. Méga incendie, l'ère du feu, c'est le programme brûlant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces méga incendies, leurs sources, leurs mécaniques propres, leur modélisation ainsi, eh bien, les moyens de les prévenir et d'en venir à bout, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mélanie Rochaud. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes chercheuse au Centre européen de recherche avancée en calcul scientifique. Vous travaillez à l'interface entre incendie, modélisation et mathématiques appliquées. Et nous sommes en ligne avec Plinio Sist. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité forêt et société au CIRAD, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Mais avant de nous engouffrer dans l'enfer de ces brasiers infernaux, on boit frais, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le sujet de ce journal et la découverte d'un nouveau composant présent dans le sang. S'il y a bien une chose que l'on pensait bien connaître, c'est le sang humain. Pendant 7 ans, une équipe française a analysé 100 d'échantillons de plasma sanguin par microscopie électronique. Ils ont détecté, dans la circulation sanguine, des mitochondries libres de cellules. Ces organites sont bien connus, ils sont essentiels pour la cellule et pour la communication intercellulaire, mais on pensait qu'ils se trouvaient toujours à l'intérieur de la cellule. Les mitochondries ont la particularité de posséder leur propre génome, l'ADN mitochondrial, qui n'est transmis que par la mère. Cette découverte ouvre la voie à de nombreuses pistes thérapeutiques, notamment en matière de diagnostic ou en réponse immunitaire. Alain Thierry, directeur de recherche INSERM à l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, il a dirigé cette étude. Tout le monde peut se poser la question pourquoi ces mitochondries libres dans le sang n'ont pas été découvertes à ce jour. En fait, il y a une combinaison de circonstances. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le transfert de gènes et la thérapie génique et j'ai toujours considéré que les mitochondries pouvaient être des véhicules pour le transfert de gènes. Et j'avais toujours cela en tête, et quand je me suis mis à travailler sur les ADN circulants, c'est-à-dire ces fragments de molécules d'ADN, donc de morceaux de chromosomes qui sont libérés par les cellules dans le sang, et notamment par les tumeurs, ce qui permet de pouvoir détecter des mutations de façon non-invasive, par prélèvement sanguin. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette méthodologie de détection ultra-sensible des fragments d'ADN tumoraux et j'ai appliqué cette technique ultra-sensible à la détection d'ADN mitochondrial parce que dans la cellule, il y a deux types d'ADN, c'est-à-dire deux types de chromosomes. Il y a les chromosomes qui se situent dans le noyau et l'ADN qui se situe à l'extérieur des noyaux, et cet ADN est contenu dans ces mitochondries. C'est des ADN tout à fait spécifiques, qui ont des séquences spécifiques, et donc en utilisant ces techniques de détection ultrasensible d'ADN, nous avons pu mettre en évidence que ces ADN mitochondriaux existaient dans le sang, et qu'ils étaient très stabilisés, donc très protégés. Et s'ils étaient protégés, ils devaient être contenus dans des structures. Et on a déterminé ces structures qui n'étaient que les mitochondries, c'est-à-dire les organelles, les organites qui se trouvent dans chaque cellule. Et on passe au brève. Le radiotélescope chinois FAST est enfin opérationnel. FAST est la deuxième antenne parabolique la plus grande du monde, large de plus d'un demi-kilomètre de diamètre. Sa mission principale, l'étude des pulsars. En test depuis 2016, FAST en a déjà découvert deux en août 2017. Sa sensibilité lui permet de mesurer la synchronisation des pulsars 50 fois plus précisément qu'auparavant. Des collaborations internationales sont aussi prévues pour la détection d'ondes gravitationnelles et pour de l'interférométrie à très longue base. Comment, de l'algue marine, est-on passé à une grande variété d'espèces végétales ? On pensait que cette évolution s'était faite progressivement au niveau génétique. Des chercheurs britanniques démontrent l'inverse. Selon leur étude parue dans la revue Current Biology, l'évolution des plantes terrestres a été marquée par deux explosions génomiques. Deux grands épisodes de diversification génétique qui ont permis aux plantes d'évoluer et de s'adapter. La première a eu lieu il y a 629 millions d'années et a conduit à la multicellularité des plantes. La seconde bouffée génomique a, elle, conduit à la transition mère-terre. Et enfin, selon une étude parue dans Nature, notre système alimentaire ne peut nourrir de façon durable que 3,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population. Les chercheurs de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam proposent des limites à ne pas franchir dans l'agriculture pour préserver les ressources planétaires. Limiter l'utilisation d'azote, qui est responsable des zones mortes dans les lacs et les océans, limiter l'utilisation de l'eau de source et préserver la biodiversité. Selon ce rapport, le système agricole mondial transgresse toutes ses limites planétaires. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a une semaine, les pompiers australiens annonçaient avoir réussi enfin, avec l'aide des pluies, à maîtriser le plus important méga-feu, traduction littérale de méga-fire, qui ravageait donc l'Australie depuis plusieurs semaines. Un incendie géant qui aura au total détruit plus de 10 millions d'hectares de végétation, coûté la vie à un nombre incalculable. Là, pour le coup, on parle d'un milliard d'animaux, ainsi qu'à 27 personnes, dont 4 pompiers. Et il n'y a pas que l'Australie qui a été durement touchée par ces incendies géants. Le bassin du Congo, la Sibérie, la Californie, même l'Arctique, sans oublier bien sûr la forêt amazonienne. Une conséquence directe du réchauffement climatique qui a conduit une philosophe à créer le concept de pyrocène pour décrire l'époque dans laquelle nous engageons, l'ère du feu. Il avance inexorablement. Le feu, visible sur ces images satellites, a ravagé plus de 3 millions d'hectares de taïga en quelques semaines, une surface grande comme la Belgique. Habituel en cette saison, les incendies en Sibérie ont pris une proportion très préoccupante. Au sol, les pompiers russes luttent avec des moyens qui semblent dérisoires. Depuis 4 mois, ces incendies ravagent le sud-est de l'Australie. Des millions d'hectares dévastés, l'équivalent de la Belgique. Les pompiers sont débordés, leurs efforts dérisoires. Depuis ce matin, une opération de grande ampleur pour évacuer les réfugiés est en cours. Le ciel est rouge au-dessus du centre de Sumatra en Indonésie. La région est envahie par des nuages de fumée toxique provoqués par les feux de forêt, rendant l'air pratiquement irrespirable. Le gouvernement indonésien a déployé plusieurs milliers de pompiers et de militaires. Mais sur le terrain, les hommes luttent avec des moyens souvent dérisoires contre les flammes. Cela fait maintenant 2 mois que les incendies ravagent les îles de Sumatra et de Bornéo. L'image résume ce que vivent des dizaines de milliers de Californiens depuis plusieurs jours. L'ordre d'évacuation vient d'être donné. Les flammes sont là, bien visibles au-dessus des maisons, et elles avancent toujours. Le feu progresse vite, favorisé par un sol sec et des vents à plus de 100 km/h, et la situation pourrait empirer dans les heures qui viennent. Voilà un résumé assez paradoxalement glaçant effectivement d'un certain nombre de ces incendies géants qui ont ravagé plusieurs parties du globe l'année dernière et jusqu'en ce début d'année. Une réaction peut-être simplement à ce que vous venez d'entendre, Plignociste. Oui, ben votre reportage montre bien que à l'échelle planétaire, ces événements de méga-feux, comme on les appelle, se multiplient et un peu partout dans le monde, aussi bien dans l'hémisphère tempéré que sous les tropiques. Vous avez parlé de l'Amazonie, mais ça concernait aussi la Californie, la Sibérie, hier l'Australie. Donc on est vraiment et Et on se rend compte aussi que les moyens pour lutter ces mégafeux, une fois qu'ils sont en cours, une fois qu'ils sont allumés, sont vraiment dérisoires. On n'a pas vraiment de solution pour éteindre ces feux, si ce n'est que d'attendre les prochaines pluies. Mélanie Rochou, votre réaction à ce montage qui est de différents reportages télévisés normalement? Effectivement, les feux se multiplient partout dans le monde, différentes latitudes. Mais ce qui est frappant avec les feux en Australie, c'est vraiment l'ampleur sans précédent qui a eu lieu. On parle de plus de 10 millions d'hectares brûlés. C'est 3 fois plus que les feux en Amazonie. C'est 10 fois plus que les feux en Californie l'année dernière. Donc là, et ça s'est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est vraiment ça qui me frappe. C'est vraiment la durée pendant laquelle il y a eu ces conditions propices aux incendies, liées à la sécheresse vraiment extrême et aux vagues de chaleur extrêmes qu'il y a eu en Australie. Le changement d'échelle. En effet, je disais en introduction, il y a une philosophe, Joëlle Zask, qui propose le concept de pyrocène dans une interview à Mediapart au mois d'août dernier. C'est-à-dire de dire, en fait, nous entrons dans une ère de ces méga incendies. Ça n'est que le début, c'est-à-dire que ça ne fait que commencer. Ce qu'on voit là, c'est un peu, entre guillemets, l'apéritif ou l'entrée. Ça va être de pire en pire. C'est quelque chose que vous comprenez, que c'est un concept qui vous semble opérant, Plignociste? Bon, d'un point de vue scientifique, le méga-feu n'a pas encore une notion scientifique. On voit bien que selon les continents, selon la région, on parle de méga-feu. En Europe, on parle de méga-feu à partir de 1000 hectares, mais aux États-Unis ou en Australie, on commence à parler de méga-feu à partir de 10 000 hectares. Donc il n'y a pas vraiment un consensus scientifique sur la définition des méga-feux. Je voulais simplement dire que le feu va aussi avec l'homme et l'anthropocène, l'utilisation du feu date de plus de 200 000 ans et on voit bien par exemple que notre forêt méditerranéenne a été vraiment façonnée par l'utilisation du feu dès le néolithique par les hommes qui ont habité la région méditerranéenne. Donc je dirais pas que c'est un phénomène nouveau, bien au contraire. Par contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est effectivement ces feux d'une ampleur sans précédent et surtout qui se répètent. Je rappelle quand même qu'en 74-75, il y avait eu un incendie beaucoup plus important en Australie, mais qui a concerné que simplement le centre de l'Australie, qui est très peu habité, mais qui avait quand même atteint plus de 100 millions d'hectares. Mais c'était de la végétation qui avait poussé justement lors d'une saison des pluies assez forte et qui avait créé les conditions d'un combustible très important et qui n'avait pas eu de conséquences vraiment sur les habitations humaines et sur la faune ou la flore. C'était un milieu relativement peu habité. Donc, dans le passé, on a enregistré ces méga-feux. La grande question aujourd'hui, c'est leur fréquence. Est-ce que leur fréquence va se répéter dans les années à venir? Et tout porte à croire qu'effectivement, les conditions climatiques de ces méga-feux, depuis les 50 dernières années, une étude récente montre que ça a augmenté de 20%. Donc les risques des conditions favorables à ces méga-feux augmentent d'année en année. Mélanie Rochou, qu'est-ce que vous pensez justement de ce concept de pyrocène, du fait qu'effectivement, vraisemblablement, ces méga-feux, comme vient de le dire Plignociste, sont amenés à se multiplier? Je crois que le changement climatique est vraiment lié à l'anthropocène. Donc, ce changement climatique, il induit des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus fortes. Il induit des vagues de chaleur aussi extrêmes. Et tout ça, ça va dans le sens de la propagation d'incendies de plus en plus intenses, qui forment des systèmes météorologiques par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce qui change la donne, en fait, même en termes de lutte pour les pompiers. Et finalement, d'un point de vue scientifique, ces méga-feux sont pas encore très bien compris. Pas très bien observé, pas encore très analysé très finement. Et donc on a beaucoup d'efforts de recherche à déployer dans ce sens pour comprendre comment ils se forment et ce qui pourrait aider à mettre en place des outils d'anticipation sur le terrain. Et c'est ce dont on va parler dans quelques minutes, peut-être juste un mot pour signifier, en tout cas pour poser ce paradoxe qui est que les surfaces incendiées à l'échelle du globe sont plutôt en recul, selon la NASA, moins 25% de surfaces incendiées sur la dernière vingtaine d'années. En revanche, bien les incendies se transforment plus facilement en ce type d'incendies géants, de méga-feux, appelez-les comme vous voulez, Plignociste. Il y a une sorte de paradoxe finalement entre le recul des incendies et l'augmentation de ces incendies si particuliers. Oui, parce que c'est des incendies particuliers qui se caractérisent par le fait qu'on n'arrive pas à les contrôler. Et comme je le disais, une fois qu'ils sont partis, on a beaucoup de mal à les contrôler, alors que auparavant, les feux étaient quand même plus liés à des, par exemple, des pratiques ancestrales. L'Australie, nommer qu'elle, les aborigènes ont une culture du feu et la végétation de l'Australie a été façonnée par les incendies qui étaient contrôlés par les aborigènes. Ces méga-feux-là, c'est des feux qui sont absolument incontrôlables et c'est leur particularité qui font que leur impact est très important. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des méga-feux, des incendies géants qui ont été un des signes de cette année 2019, un des phénomènes peut-être les plus préoccupants à l'échelle climatique et à l'échelle globale. Nous en parlons avec Mélanie Rochou et Plinio Sist. Vous le disiez l'un et l'autre, peut-être qu'on peut essayer que tout de même, c'est un concept relativement nouveau, Mélanie Rochou, ce concept de méga-feux. Qu'est-ce qui distingue, est-ce qu'il y a des critères scientifiques pour qui distingue un incendie classique d'un incendie géant? Moi, je dirais il y a l'intensité du feu, donc vraiment ce qui se passe en surface, quelle chaleur va être libérée libérée dans l'atmosphère. Et cette énergie, en fait, elle va conduire à la formation d'un panache qui ensuite peut monter en altitude, peut former vraiment un nuage avec de la condensation autour des particules émises par le feu. Donc ça fait qu'il peut pleuvoir. Mais c'est aussi que cette évaporation, elle va libérer de l'énergie dans l'atmosphère, donc ça va générer de l'instabilité, et ça peut amener vraiment la formation de ce qu'on appelle un pyrocumulonimbus. Ça a été beaucoup dit dans les news. Et ça, c'est là que finalement le système météorologique de l'incendie se crée, il agit par lui-même, et là c'est vraiment... Et il s'auto-entretient. Il s'auto-entretient. On va revenir sur ces modélisations qui sont effectivement passionnantes, et de comprendre comment les incendies arrivent à créer leur propre écosystème météorologique. Et je crois aussi, ce que je veux dire, c'est aussi le nombre de feux, parce qu'on dit un méga-feu, mais là en Australie on parle de centaines de feux en parallèle. Et ça, c'est vraiment les fronts multiples là qui se mettent en place. Ça, c'est vraiment un challenge pour les interventions des pompiers. Comment se coordonner, comment positionner les hommes de manière stratégique sur le terrain. Et en plus, il y a ces problématiques de saute de feu. Donc, c'est-à-dire que il peut y avoir des projections de braises très en aval en fait du feu, et ça peut générer des incendies 30 km du feu principal, ou voire 100 km avec les orages. Donc là, on peut vraiment être dépassé par les événements en pris de vitesse en fait. C'est une machine qui s'auto-entretient, mais à des échelles, vitesses, voilà. Des temps caractéristiques auxquels on peut pas faire face. Plinio Sist, sur cette difficulté à circonscrire pas seulement l'incendie, mais cette notion de méga incendie. Oui, moi je ne suis pas un spécialiste du feu, contrairement à Mélanie. Je pense qu'elle a très bien résumé la situation. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est notre incapacité à contrôler ces feux. Et lorsqu'on voit des pays comme les États-Unis et l'Australie, qui ont quand même une culture de combat du feu depuis plus de 100 ans, on se dit que si ces méga-feux se propagent également en Amazonie, où les moyens sont quand même moins importants, où il y a moins cette culture d'incendie, c'est assez inquiétant, parce que l'Australie et les États-Unis ont quand même des moyens conséquents, c'est des pays développés. Si demain ces méga-feux devaient se propager dans des pays moins développés, comme l'Indonésie ou les pays d'Afrique centrale, voire l'Amazonie, où les zones d'accès sont extrêmement difficiles par l'absence de réseaux routiers conséquents, on peut vraiment s'inquiéter sur l'ampleur du phénomène si ces phénomènes-là devaient se répéter à des fréquences plus courtes que dans le passé. Vous disiez, c'est intéressant, Plinio Sist, vous l'avez mentionné déjà deux reprises, effectivement le feu n'est pas l'ennemi de la forêt, le feu peut façonner la forêt, notamment en Australie, puisque même James Cook en 1770 évoquait l'Australie comme un continent de fumée. Ça veut dire qu'en fait on peut générer des feux maîtrisés, que le feu peut être un ami de la végétation et de la forêt en règle générale. Tout à fait. Bon, la plupart des espèces d'eucalyptus en Australie ont besoin du feu pour se régénérer. D'autres espèces sont développées en Méditerranée. Le chêne-liège a développé une écorce épaisse pour se protéger contre le feu. Le pin-pignon a besoin de feu pour se régénérer. Donc, il y a des espèces qu'on appelle pyrophiles qui ont besoin de l'incendie, des feux pour se régénérer. Toute la question est, dans la fréquence. On dit souvent que la nature a horreur du vide, mais la nature a aussi besoin de temps pour se reconstituer. Et c'est bien là le problème, et notamment pour tout ce qui concerne la faune a besoin d'un habitat, a besoin d'un environnement, et si cet environnement est dégradé ou disparaît à des rythmes très très fréquents, eh bien on met en péril toute ce qu'on appelle la résilience de l'écosystème, c'est-à-dire sa capacité à se reconstituer après des événements dégradants ou des événements destructeurs. Et c'est ce dont on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Un mot, Mélanie Rochoux, sur c'est toujours pour essayer de comprendre le point commun, outre l'ampleur de ces incendies que l'on a vécu et que l'on a pu identifier l'année dernière. Quel est le point commun entre des feux en Australie? La végétation change énormément par rapport à la Sibérie, par rapport à l'Amazonie. On imagine que ce ne sont pas les mêmes natures de feux qui prennent pas, qui se répandent pas tout à fait de la même façon. Ou est-ce qu'au contraire, à partir d'une certaine échelle, eh bien, la mécanique qui se met en place devient similaire? C'est vrai qu'au départ, les feux sont liés aux caractéristiques de la végétation, hein, comment les feux vont se propager, comment la végétation va spiroliser, donc vraiment amener du combustible pour entretenir les flammes, la combustion, tout ça. Mais je dirais qu'une fois que le nuage, là, le pyrocumulonimbus est formé, que le système météo est en place, ça dépend pas du lieu où on est. Au final, on va avoir le même type de phénomènes qui vont se produire avec potentiellement, là, on a vu des orages qui peuvent amener des nouveaux foyers d'incendie et ce genre de phénomène. Est-ce qu'il y a un point de bascule qui transforme un incendie classique, entre guillemets, en méga incendie, ou est-ce que ce sont finalement, dès le départ, deux phénomènes différents? Alors c'est difficile à dire, hein. On n'a pas beaucoup de recul sur les méga-feux d'un point de vue scientifique. Donc, et puis il y a une côté, je dirais que les méga-feux sont caractérisés par leur imprévisibilité. Donc on sait pas, on n'a pas encore de critères scientifiques, on aimerait bien, hein, pour dire qu'est-ce qui fait passer un feu classique à un méga-feu. Donc ça on est vraiment... On manque de données encore. On manque de données, oui. On a peu de données sur ça. Et les modèles qu'on a derrière sont aussi pas encore au point pour représenter tout le système au complet, hein, parce qu'il faut des données pour valider ce genre d'approche. Mais je dirais qu'il y a vraiment un côté imprévisible dans ces feux et un côté irréversible qui sont très difficiles à prendre en compte encore à l'heure actuelle. En termes de modélisation, ce sera l'objet du reportage qu'on va entendre dans quelques minutes. Un mot, Plinio-6, là-dessus, sur un incendie, un feu de forêt classique, il peut se transformer à tout moment en méga-feu compte tenu des circonstances et de l'environnement immédiat, ou est-ce que ce sont deux phénomènes tout de même relativement distincts? Non, je pense que Mélanie a également bien résumé. Je serais un petit peu plus réservé en ce qui concerne, par exemple, les régions comme le bassin du Congo ou l'Amazonie, où la forêt tropicale humide peut quand même constituer un rempart contre le feu. Le problème qu'on rencontre, par exemple, en Amazonie, c'est la végétation qui est dégradée, qui, elle, par contre, est beaucoup plus susceptible de prendre feu. Et donc, c'est toute cette histoire de combustible qui va alimenter ce feu. Pour qu'un feu parte, il y a d'abord des conditions climatiques qui doivent être favorables. Il y a le combustible, hein, c'est-à-dire lorsqu'on prend le cas de l'Amazonie, qui est quand même dans un climat tropical humide, donc pas très propice au feu et qui n'a pas développé une végétation adaptée au feu. La végétation qui est dégradée, par contre, est beaucoup plus sensible et propage plus facilement le feu qu'une forêt dite primaire ou très peu perturbée. Et puis, il y a aussi les causes d'allumage qui peuvent être soit d'origine volontaire anthropique, soit d'origine complètement, enfin plutôt naturelle ou accidentelle, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le feu comme un outil de déforestation. Et sous les tropiques, malheureusement, je dirais que la végétation, elle paye une double peine. C'est à la fois, elle subit de plein fouet l'effet du changement climatique, et les espèces végétales ont du mal à s'adapter à des périodes de sécheresse de plus en plus longues, donc l'écosystème est fragilisé par le changement climatique et par la pression anthropique qui utilise le feu comme moyen de déforestation. Alors Mélanie Rochoux, vous l'avez évoqué à deux, trois reprises depuis le début de cette émission. Parlez-nous un peu justement de ce système météorologique propre qui est créé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment se fait-il que ces méga-incendies arrivent, compte tenu de leur ampleur, à créer finalement une sorte de cycle météorologique interne qui s'auto-entretient? Bon, alors déjà, de base, il y a trois mécanismes fondamentaux qui sont liés pour qu'un feu se propage. Donc il y a vraiment la végétation qui va subir, qui va se dégrader, qui va pyrolyser. Elle va libérer tout un tas de gaz qui forment le combustible, en fait, qui, au contact de l'air et dans une température élevée, vont créer la combustion, les flammes, et c'est ça qui va brûler, effectivement. C'est-à-dire que ce qui brûle, c'est plus que la végétation, ce sont les gaz qui sont libérés par les phénomènes de pyrolyse. Oui, c'est ça. Donc typiquement, du monoxyde de carbone, du méthane. Et ensuite, pour que ça s'auto-entretienne, bah en fait la flamme elle amène il y a des transferts thermiques par rayonnement, par convection, qui vont faire que la végétation va continuer de se dégrader. Et donc en fait, avec pyrolyse, combustion et transfert thermique, vous avez un triptyque là qui auto-entretient la flamme et qui fait que les flammes se propagent vers le combustible disponible. Donc ça, c'est ce qui se passe dans un feu, classiquement. Dans le cas des méga-feux, ce qui va se passer, c'est que l'intensité des feux est vraiment très grande, beaucoup plus élevée que la normale en surface. Et donc, vous avez un panache qui se forme, qui va monter très haut en altitude. C'est-à-dire jusqu'à quelle altitude ? Eh bien, alors, dans des cas, ça va être quelques kilomètres. Et là, dans les cas des méga-feux, comme en Australie, on dit qu'ils ont atteint 10 ou 15 kilomètres d'altitude. Donc, c'est presque comme des éruptions volcaniques intenses. Ils ont vraiment traversé, ils sont rentrés dans la basse stratosphère, ce qui a des implications pour le climat. Ça fait pas si longtemps qu'on a reconnu que les feux pouvaient faire ça, dans certaines circonstances. C'est pas clairement établi dans quelles conditions ça le devient. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est sur un ingrédient de base, comme le disait mon collègue, il faut une météorologie vraiment favorable, donc avec une sécheresse forte et des vents importants qui vont faire que les intensités du feu en surface vont être très grandes et que donc il y a ce nuage qui va se former. Et qui va monter très en altitude. Et après, il peut y avoir des pluies. Les pluies, en fait, elles n'ont même pas le temps d'atteindre le sol. Elles s'évaporent. Ça crée des vents très forts qui ont une rétroaction sur les feux en surface, qui peuvent déstabiliser les forces pompiers parce que la direction du vent peut changer brutalement. Et vous pouvez avoir jusqu'à des orages quand le nuage va très haut, à 10-15 km d'altitude. Et là, les orages, ça peut même créer des nouveaux foyers d'incendie. Dans les cas de feu, en 2009, il y avait eu aussi des feux importants en Australie. Ça avait créé un feu à 100 km du feu par an. Donc là, vous voyez, ça, les méga-feux, ils sont caractérisés par, en fait, ils ont un peu global, en fait, c'est pas juste localement, il y a une action à faire, il y a vraiment une emprise sur le territoire qui est beaucoup plus large. Parce qu'il y a deux types de nuages qui sont créés par ces méga-feux, on parle de pyrocumulus ou de pyrocumulonimbus. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport au cumulus ou au cumulonimbus classique ? Alors, pyro, c'est parce que ça vient du feu. Ils sont formés par des particules de suie, notamment. Donc, le pyrocumulus, c'est vraiment le fait que vous avez ces particules émises par le feu. À une certaine altitude, le nuage est suffisamment froid pour que vous ayez condensation et donc le nuage se forme. Et alors, le pyrocumulonimbus, à partir du pyrocumulus, c'est un enchaînement de phénomènes qui vont faire qu'il y a des orages qui vont se former. Et là, c'est parce qu'on atteint des altitudes tellement grandes que, il y a des particules de glace, il y a des collisions entre ces particules de glace, et donc vous avez de la foudre qui se crée. Mais alors, du coup, on se dit, si des orages se forment au-dessus d'un méga incendie, c'est plus une bonne chose, parce qu'il va pleuvoir, et donc, c'est la pluie qui permet de les éteindre, mais sauf que ça se passe pas tout à fait comme ça. La pluie n'atteint jamais le sol, en fait. Quand vous avez vraiment des airs très secs proches de la surface, en fait, les gouttes de pluie qui tombent, elles s'évaporent. Et alors là, le phénomène qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des rafales de vent très grandes qui vont être de l'ordre de 100 km/h. Donc c'est vraiment des vents très forts qui vont venir. On dit que le vent a tendance à favoriser la propagation d'incendies parce qu'il il a un impact sur comment la flamme va transférer de l'énergie vers la végétation et accélérer la pyrolyse ou non. Donc le vent est vraiment important dans le mécanisme de propagation des feux. Et là, vous avez des rafales à 100 km/h qui, en plus, c'est vraiment un environnement turbulent et ça peut aller dans n'importe quelle direction. Et ça peut même changer la direction principale du feu que les pompiers sont en train de combattre. Donc pour les pompiers, c'est vraiment très dangereux comme phénomène. Ça peut vraiment changer complètement la propagation. Et en revanche, évidemment, dans ces orages, et notamment sur les pyrocumulonimbus, il y a des impacts de foudre. Et les impacts de foudre contribuent très largement justement à la propagation d'incendie et à de nouveaux départs de feu. Dans l'allumage des feux, il y a soit l'humain par négligence ou pour des activités, mais où la foudre est aussi une source d'allumage d'incendie, des étincelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la végétation est tellement sèche depuis tellement longtemps, par exemple en Australie, que c'est facile en fait de s'inflammer. Donc le niveau d'inflammation est redescendu très bas à cause de la sécheresse. Donc la foudre, ça peut provoquer des nouveaux départs d'incendie. Après, avec les conditions météo, les feux se propagent très vite. Pignossiste, peut-être un mot sur, sur cette météorologie propre à ces incendies géants? Non, je voudrais simplement, effectivement, il y a des causes naturelles, mais la plupart des causes, c'est des causes vraiment accidentelles. Cet été, près de chez moi, à Montpellier, un départ d'incendie a été créé par une étincelle d'un fer à souder et ça a brûlé 25 hectares. Donc, lorsque la végétation est extrêmement sèche, et que l'Australie a eu un déficit de pluie avant la saison sèche, et qui a fait que, effectivement, la végétation était extrêmement inflammable et la moindre étincelle accidentelle peut provoquer, effectivement, des départs de feu qui se propagent ensuite aux échelles que l'on connaît. Alors, on l'aura bien compris, hein, face à l'envergure et à l'impossibilité de maîtriser ces incendies géants, l'un des enjeux de la recherche, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Mélanie Rochou, c'est de réussir à modéliser ces incendies pour mieux comprendre notamment la pollution qu'ils émettent et leur propagation. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans un laboratoire qui produit ce type de modèle informatique assez complexe. Oui, j'ai rencontré Solène Turchetti, qui est professeure à Sorbonne Université et chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique. Avec son équipe, Solène Turchetti cherche à quantifier la quantité de polluants émis par les feux de végétation pour ensuite pouvoir simuler avec des modèles numériques le transport des panaches de pollution et leur évolution chimique. Les enjeux pratiques, à l'image de ces mégafeux, sont de taille puisqu'il s'agit, grâce à ces modélisations, d'anticiper les effets polluants de ces mégafeux à toutes les échelles, mais également de pouvoir avoir une estimation aussi précise que possible des effets sur la santé publique de ces incendies. Donc ce qu'on va sortir d'une modélisation, donc on a une modélisation numérique qui va regrouper toute notre connaissance de la physique, de la chimie, avec bien sûr des approximations, mais quand même une prise en compte réaliste des processus. Donc ces modèles intègrent les processus, et puis en sortie de ces modèles, on va récupérer des concentrations de gaz traces et de particules sur une grille qu'on aura prédéfinie, tridimensionnelle. Et on va donc suivre la concentration sur différents niveaux de l'atmosphère, au-dessus d'une région, avec une résolution qui va aller de 5 km à 50 km. Et puis on va suivre, heure par heure, comment le panache évolue et est transporté. Donc on va pouvoir cartographier la concentration à un instant T, faire une animation de comment le panache a été transporté au cours du temps. Et puis, voilà, nous, quand on va faire une analyse au niveau recherche, on va chercher à comparer ces panaches simulés avec des observations. Donc, pour la qualité de l'air, généralement, on privilégie les observations en surface des réseaux d'observation, surveillance qualité de l'air. Dans le cas de panache de feu, on dispose aussi d'observations satellites de très bonne qualité et qui vont nous permettre de non seulement voir l'impact local, mais de pouvoir suivre et comprendre comment le panache a été transporté. Donc le modèle qu'on développe au LMD, qui s'appelle Chimère, est utilisé par un certain nombre d'associations de qualité de l'air. Donc là, tous les développements qui sont faits sont utilisés de manière opérationnelle pour faire une analyse de la qualité de l'air, quels étaient les processus clés, et puis faire des prévisions aussi à 5 jours typiquement, de comment va évoluer la qualité de l'air, pouvoir alerter la population en cas de pic, etc. Donc dans des cas extrêmes comme ça, ce qui va être important, c'est que les populations à risque soient informées. Bon là, c'est tellement énorme les concentrations que c'est tout le monde. Donc on va intégrer ces émissions en temps réel, essayer d'estimer en fonction de la condition météo combien de temps va durer l'événement en termes d'émissions, l'intégrer dans les modèles et puis fournir des cartes de la concentration en surface et informer la population d'un indice de pollution associé. Par quoi vous allez commencer vos observations pour ensuite proposer une modélisation? Donc la première étape, ça va être de récupérer des données sur exactement où ont été localisés les feux et quel type de végétation a brûlé. Pour ça, on dispose d'observations par satellite disponibles en temps réel. Donc on va pouvoir l'estimer relativement précisément. À partir de là, on va du coup essayer de quantifier quelle quantité de végétation et quel type de végétation a brûlé. Et puis utiliser des facteurs d'émission issus de campagnes de mesures précédentes ou des choses comme ça pour calculer la quantité de gaz et de particules fines qui sont émises. Ensuite, on va les incorporer dans un modèle numérique qui va, lui, simuler l'évolution des concentrations dans l'atmosphère au cours du temps. Est-ce qu'il y a de grandes différences dans l'émission des polluants selon la nature de la végétation qui brûle ? Donc il y a une grande différence à deux niveaux. Les facteurs d'émission vont dépendre des essences qui vont être brûlées. En fonction du type de végétation, on ne va pas forcément avoir non plus le même type de combustion. Donc on peut avoir une combustion plutôt rapide. Donc on va avoir des grandes flammes, ça va brûler très vite avec des températures très élevées. Ou une combustion plus lente, parce que la végétation est plus humide, par exemple, ou parce qu'on a une couche de matière organique dans le sol plus dense. Et à ce moment-là, on n'aura pas du tout les mêmes espèces émises. Donc l'intensité de la combustion, ça va jouer beaucoup sur les espèces émises. Après, sur l'impact pollution, ce qui est très important, ça va être combien de temps ça brûle. Quelle quantité, du coup, totale va être émise à la fin. Si on a une combustion très, très, très intense, on aura tendance aussi à avoir une micrométéorologie qui va se mettre en place. Donc ces fameux pyrocumulis, voilà. Donc on va avoir de la convection, ça veut dire qu'on va soulever la masse d'air. À ce moment-là, donc on a ce feu très très intense, ce panache très impressionnant, mais qui va être transporté un peu plus haut en altitude. Ouais. Alors qu'une combustion plus lente va pas induire un mouvement de convection comme ça. Donc on va garder toute la pollution en surface, ce qui, pour la population au niveau régional, est encore pire, en fait. Ouais. Donc, dans des feux, il y a ces feux en Australie dont on parle beaucoup. Là, c'est tellement long et tellement proche des habitations aussi que l'impact sanitaire est énorme. Pour l'impact sanitaire sur la santé humaine, ça va être beaucoup lié aux particules fines. Tout comme dans un milieu urbain, en fait. On a aussi des composés gazeux qui sont nocifs, mais vraiment l'impact immédiat, c'est sur les particules fines. Ces particules fines vont aussi se déposer plus ou moins loin en fonction de la distance de parcours du panache. Dans le cas des feux en Australie, on a en particulier un dépôt sur la neige, sur des glaciers en Nouvelle-Zélande, etc., où là, du coup, on va avoir non seulement l'influence climat d'avoir émis de grandes quantités de gaz à effet de serre, mais aussi on aura changé l'albédo de la neige, donc sa capacité à réfléchir le rayonnement. Donc on a un double impact, un impact indirect. Voilà, sur ces travaux de modélisation de ces incendies géants, je voyais opiner à plusieurs reprises Mélanie Rochou. En écoutant ce reportage, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? C'est vrai que les feux, ils ont un impact par la présence des flammes, qui est la destruction des maisons et tout ça, mais la qualité de l'air est un élément clé pour les populations. C'est un élément important. On entend bien, Pline VI, aussi le cercle infernal qui se met en place avec la libération d'énormément de polluants, évidemment beaucoup de gaz à effet de serre également. On entendait à la fin l'impact que cela peut avoir sur l'albédo, c'est-à-dire sur la réflexion justement de la lumière par les surfaces blanches, notamment au pôle. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans l'air, dans ce pyrocène, dans cette ère des méga incendies, ça veut dire qu'on a du mal à en sortir, que ça va être compliqué, de plus en plus compliqué. Oui, c'est surtout qu'on a l'impression que le système s'emballe et qu'il y a des effets dominos qu'on n'avait pas prévus et qui malheureusement se réalisent. Je pense que il faut prendre l'état de la situation de façon assez consciente mais grave et le résultat c'est effectivement notre impact de notre système de vie sur le climat. On voit déjà les premières conséquences que depuis 30 ans le GIEC a modélisé et alarme la population, et je pense qu'aujourd'hui on voit effectivement ces phénomènes concrets qui sont très vraisemblablement liés au changement climatique. Il est 16h40, nous parlons donc de méga-incendie en compagnie de Mélanie Rochou, qui est chercheuse au Centre européen de recherche avancée en calcul scientifique, et avec Plinio Sist, qui est directeur de l'unité forêt en société au CIRAD, qui est en ligne avec nous depuis Montpellier. Mais comme bien tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dorian Gaboriau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse en sciences de l'environnement en co-tutelle entre l'Université du Québec et l'Université de Montpellier. Vous travaillez sur la prédiction du régime des feux de forêt jusqu'en 2100 dans les territoires du Nord-Ouest au Canada. On vous écoute. Merci. Alors, la forêt boréale représente les forêts froides de conifères qui s'étendent au sud de l'Arctique, dans l'hémisphère nord. Elle compte près du tiers des forêts mondiales. Au Canada, ce royaume de l'épinette noire, dont le nom latin est Picea mariana, est habité depuis plusieurs milliers d'années par les Premières Nations, pour qui la forêt est vitale en tant que moyen de subsistance, mais aussi comme lieu de transmission de savoir et de pratiques culturelles. Alors, si les feux de forêt sont des phénomènes naturels qui participent à la régénération de la forêt boréale, on constate depuis environ 10 ans une augmentation de leur taille et de leur sévérité, particulièrement dans le nord-ouest de la forêt boréale canadienne. Et oui, l'Australie brûle, le Canada tout autant. Les récents événements en Australie ou en Californie ont été grandement relayés par les médias, car les feux incontrôlables survenus lors de sécheresses sans précédent menaçaient des milliers de personnes. Quant aux méga-feux observés dans le nord du Canada, leurs conséquences sont aussi importantes, même s'ils surviennent dans des régions peu densément peuplées. Fort McMurray en 2016, ça vous parle ? Les impacts des méga-feux sont perceptibles par les Premières Nations, que ce soit sur leur culture, leur économie ou leur santé. Ces feux immenses affectent profondément la mosaïque forestière et perturbent les habitats des plantes et des animaux comme le caribou, qui jouent des rôles clés dans les modes de vie des Premières Nations. Alors, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux méga-feux survenus en 2014 dans les territoires du Nord-Ouest, au Canada, particulièrement au sein du territoire de la Première Nation, Tlitcho. Près de 1/5 du territoire de la Première Nation a brûlé en 2014, soit plus de 8000 km² de terres forestières. C'est l'équivalent de plus d'un million de terrains de rugby. Dans un premier temps, j'ai replacé l'événement de 2014 au sein des tendances du régime des feux enregistrées depuis 50 ans, cela à partir d'inventaires forestiers et d'images satellitaires. Les premiers résultats ont montré que 2014 a été l'année la plus extrême des 50 dernières années. D'autre part, j'ai identifié les conditions du climat et de végétation propres aux feux extrêmes. Les résultats ont confirmé que la température et les conditions de sécheresse étaient des indicateurs de l'occurrence de méga-feux. L'objectif maintenant, c'est d'établir des seuils d'aléas climatiques et d'identifier les zones écologiques susceptibles aux méga-feux. Puisque le passé est jusqu'à un certain point garant de l'avenir, je me suis demandé comment les interactions feu, climat et végétation ont varié depuis la fin de la dernière glaciation il y a environ 10 000 ans. Je voulais savoir si des périodes propices aux méga-feux étaient déjà survenues dans le passé lointain. Et la réponse, je l'ai trouvée au fond des lacs, bravant les moustiques des zones reculées du Grand Nord. Et oui, il faut parfois se mouiller pour étudier les feux. En effet, lorsqu'un feu se produit, des particules de charbon se déposent au fond des lacs. Ces charbons se retrouvent à différentes profondeurs dans la couche de sédiments accumulée au cours du temps. Ce faisant, j'ai pu montrer que l'activité de feu des prochaines décennies pourrait atteindre, voire dépasser, les niveaux les plus élevés enregistrés au milieu de l'Holocène, c'est-à-dire il y a environ 6000 ans. En analysant aussi le pollen contenu dans les sédiments, j'ai vu un lien entre la quantité de biomasse végétale présente au sein du paysage et l'occurrence de méga-feux. Ainsi, les politiques et les pratiques d'aménagement futur devraient éviter de jouer avec le feu, mais plutôt chercher à limiter la propagation des feux en agissant particulièrement sur le combustible au sein du paysage. En dernier lieu, je vais utiliser un modèle climatique pour simuler les tendances de l'activité de feu dans le futur, et mon objectif est d'obtenir d'une part des prévisions quant au risque de feu futur, et d'autre part d'établir un indice de risque pour les communautés des Premières Nations, afin d'agir en conséquence. Alors, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais le temps est compté. Merci beaucoup Dorian Gaborieux pour la présentation de vos travaux. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, pardon, Mélanie Rochou. Alors oui, ben, disons que par exemple en Australie, les feux, ils ont eu lieu dans des conditions météorologiques extrêmes. Et ce qui m'interpelle, c'est que finalement le climat va continuer d'évoluer. Donc on sait qu'il va se réchauffer de 0,5 à 1 degré d'ici 2050. Donc événements comme ça. Pour les modèles les plus optimistes. Pour les modèles les plus optimistes. Et donc ça veut dire qu'on va revivre des événements comme ça à d'autres endroits sur la planète. Donc la projection du feu dans les modèles climatiques, c'est vraiment un objet de recherche aujourd'hui important pour la société, pour étudier nos vulnérabilités. Pignossis, j'aimerais peut-être qu'on dise un mot, parce que la forêt brûle, certes, elle brûle beaucoup, mais la forêt repousse également. On a vu des images, on vient de poster d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission, une vidéo de certaines plantes qui finalement arrivent à repousser très très rapidement après les incendies, même après des incendies assez, assez violents comme ceux que l'Australie vient de connaître, en l'occurrence Xanthorrhoera qui repousse assez, assez volontiers. Quelle est la capacité de résilience des systèmes forestiers après un incendie de cette ampleur ? Tout dépend des écosystèmes forestiers. Les écosystèmes forestiers australiens sont depuis des millénaires adaptés au feu, donc on peut effectivement penser, enfin on est sûr que leur résilience vis-à-vis du feu est assez grande, mais encore une fois tout dépend de la fréquence de ces feux. Encore une fois, même des eucalyptus qui poussent très vite, c'est des arbres qui vivent relativement vieux, et que donc pour reconstituer un écosystème il faut laisser le temps à la nature. Et si on devait voir ces méga-feux se répéter, là on entamerait de façon significative ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire leur capacité à se reconstituer. Et il est fort probable que si ces feux se multipliaient à des fréquences répétées, on pourrait évoluer vers des écosystèmes dégradés qui ne parviendraient plus à reconstituer, on va dire, une forêt originelle. Donc le risque, c'est, à force de répéter ces méga-feux, d'avoir une végétation un peu comme notre garrigue méditerranéenne, c'est-à-dire des écosystèmes qui restent bloqués à un stade de dégradation et qui ne peuvent plus se régénérer. On parle beaucoup des feux sur la faune des vertébrés, mais les feux également ont un impact sur les sols, sur la faune du sol, qui joue un rôle essentiel sur la fertilité du sol. Et donc ces feux répétés ne va pas permettre à cette faune du sol de se régénérer, et donc on peut arriver à moyen terme à des écosystèmes dégradés et qui restent bloqués à un stade de dégradation relativement élevé. Et donc c'est ça le risque, c'est d'évoluer vers des écosystèmes dégradés et ne plus revenir à des écosystèmes plus forestiers. Mélanie Rochou, un mot justement sur la résilience plus ou moins avancée de ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes encore une fois très distincts selon qu'on prend la forêt amazonienne, le bush australien ou les tourbières sibériennes. En fait, il y a une variable qui nous intéresse pour vraiment caractériser l'impact des feux sur l'écosystème, c'est la sévérité du feu. Et cette variable, elle n'est pas encore liée en fait à tout ce qui se passe dans un point de vue météorologique, d'un point de vue feu. Donc ça va être des choses à regarder de manière plus précise. Et je crois que en recherche, là, vu les projections climatiques, il y a vraiment un intérêt très fort pour que les écologues, les climatologues, les météorologues et les gens de l'incendie travaillent ensemble. Mais les feux, c'est vraiment un domaine interdisciplinaire, et en gros il faut vraiment qu'on travaille avec toutes ces disciplines ensemble, ce qui n'a pas forcément été le cas autant le cas dans le passé. Mais les méga-feux nous obligent, et à aller vers cette approche plus globale, plus systémique. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut envisager tout de même une certaine forme de résilience malgré tout, comme on peut voir en l'occurrence en Australie, ou est-ce que cette résilience-là, elle est déjà mise à mal précisément par la fréquence de ces méga-feux, comme vient de le dire Pignossis, mais aussi mais simplement par l'ensemble des modifications du terrain et du réchauffement climatique? Je crois que ça va vraiment dépendre de la fréquence à laquelle ces feux ont lieu. Mais pour moi, il y a vraiment, quand on voit ce qui s'est passé en Australie, ça fait, il y a vraiment une rupture écologique, quoi, où la faune et la flore sont vraiment mises à mal de manière très, très importante. Parce qu'on on parle donc d'abord, on disait un demi-milliard d'individus, puis un milliard. En fait, ces chiffres, quelle réalité ils ont, Pignocis? Parce qu'on parle, des grands vertébrés. Alors, a priori, les oiseaux auraient réussi à s'en sortir, mais si on ajoute à ça, effectivement, bien, toute la faune au sol, les insectes, est-ce que c'est encore chiffrable? Est-ce que c'est encore un sens de chiffrer le nombre d'individus qui sont morts dans ces incendies australiens? Oui, effectivement, les premières évaluations étaient basées simplement sur les grands vertébrés, donc ça concernait mammifères, oiseaux et reptiles. Et puis une équipe française du CNRS, dirigée par Monsieur Philippe Grandcola, a estimé à plus d'un million de milliards si on considérait les amphibiens, les insectes, les arthropodes qui sont dans le sol, etc. Donc bon, c'est des estimations à la louche, mais dans le cas particulier de l'Australie, il faut pas oublier que l'Australie est un continent particulier. Il y a entre 80 et 90% des mammifères sont endémiques d'Australie. Mmh. Elles ne vivent que là. L'île-continent, oui. Et c'est une île-continent où la flore et la faune n'existent que dans ce continent. Et pour peu que certaines espèces ont une répartition géographique très restreinte, eh ben ces mégafeux mettent en péril ces espèces en premier lieu, parce que certaines espèces ne vont pas survivre parce que elles dépendent d'un écosystème en particulier et ont une répartition géographique très très très très limité. Et donc dans le cas de l'Australie, ces feux peuvent avoir un impact direct sur ces espèces à répartition très très très limitée. On a parlé de l'île du kangourou qui met à mal une espèce de cacatoès, d'autres petits marsupiaux forestiers. Et ensuite, on a beaucoup parlé des koalas et des kangourous qui ont payé un tribut fort sur les incendies. Mais après l'incendie, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Ces animaux qui ont survécu n'ont plus de milieu, leur habitat a disparu. Donc une partie de ces animaux qui ont survécu vont continuer malheureusement à disparaître, à mourir de faim et par absence de leur écosystème. Donc on parle beaucoup des animaux, mais les animaux vivent dans un écosystème, et si ces écosystèmes disparaissent, un bon nombre d'entre eux vont également être mis en péril et vont disparaître. Alors j'ai deux questions, pardon, pour finir, parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission. La première, tout de même, c'est sûr, encore une fois, sur ces mécaniques d'auto-entretien, puisque ces incendies relâchent dans l'atmosphère des quantités pharaoniques de gaz à effet de serre. Alors je ne sais pas si on a des chiffres. J'ai un chiffre juste pour l'Australie: 370 millions de tonnes de CO2 pour l'incendie d'Australie. Mais on parlait des tourbières de Sibérie. On sait que les tourbières sont extrêmement riches en carbone, donc ça veut dire que tout ça, qui veut répondre, Pignociste, sur... Oui, c'est un peu l'effet domino, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on brûle de la forêt, on émet du CO2 directement qui part dans l'atmosphère, et donc on exaspère finalement le réchauffement climatique juste après ces incendies. Donc on augmente à nouveau les émissions de CO2 par ces mégafeux. Donc c'est effectivement... On exaspère le réchauffement climatique par ces incendies, donc il convient vraiment de les prévenir, parce qu'encore une fois, comme on le disait au début, une fois qu'ils sont partis, c'est très difficile de les contenir ou de les éteindre. On dit que les feux, c'est 20 à 30% des émissions annuelles en CO2 humaines, quoi. Donc c'est vraiment très significatif. Et pour rien que l'Australie, c'est 1% des émissions annuelles du fait liées aux activités humaines. Donc c'est vraiment un impact très significatif des incendies. On parle du CO2, mais il y a aussi d'autres gaz qui sont émis, hein, comme le méthane, qui est un très fort gaz à effet de serre. Et puis aussi, avec ces pyrocumulonimbus, en fait, on voit qu'on peut injecter des aérosols dans la basse stratosphère. Et une fois qu'ils sont dans ce niveau atmosphérique, ils peuvent se disperser globalement via les jet streams et tout ça. Et donc, ils ont un impact sur le climat, parce qu'ils vont, par rapport au rayonnement solaire, est-ce qu'on absorbe ou pas? Qu'est-ce qui va être envoyé dans l'espace? Donc, ces feux, non seulement ils contribuent aux émissions de CO2 de manière très significative, mais ils peuvent aussi changer, faire des écrans de particules de suie et donc avoir des impacts sur le climat, comme les éruptions volcaniques. Bien sûr, dernière question évidemment, pour conclure, comment faire pour prévenir ces méga-feux ? Alors, il y a des, notamment des auditeurs qui nous disent sur Twitter, mais regardez, par exemple, en Corse, on a réussi à limiter l'ampleur de ces feux grâce à des mesures humaines, en mettant des pistes, des réserves d'eau, des drones, etc. Mais sur des territoires aussi vastes que la Sibérie, l'Australie ou les forêts canadiennes du nord canadien, comment on fait, Plinio-6 ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Ou des pistes, en tout cas ? Ben oui, il y a des solutions. Il faut déjà essayer de préserver les écosystèmes forestiers, d'éviter leur dégradation, avoir des actions de restauration dans les écosystèmes dégradés, parce qu'on sait que c'est ces écosystèmes là qui vont brûler en premier facilement. Donc jouer sur le combustible. Je pense qu'il y a tout un pan de recherche sur l'évaluation des risques d'incendie. Et les Australiens sont relativement avancés là-dedans. Mais il faut continuer ces efforts-là sur comment prévenir, comment on émet des alertes rouges ou oranges d'inondation, émettre des alertes de risque de feu important. Donc je crois que l'action, c'est surtout et avant tout dans la prévention. Tant sur la gestion des écosystèmes, ça veut dire aussi récolter tout ce qui est matière organique sèche dans le forêt. Voilà, on parle d'incendie préventif maîtrisé pour brûler une partie du couvert forestier trop sec. Exactement. Ce que faisaient d'ailleurs beaucoup les arborigènes avant l'arrivée des Européens. C'est des feux de contrôle, en fait, qui sont provoqués localement pour éliminer la masse de combustible sèche, quoi. Les feuilles, les branches mortes, tout ce qui est au sol. Exactement. Et c'est ça qui va s'allumer en premier dans un feu. Donc, si on élimine ces éléments-là, on réduit. Mais après, on voit bien que cette gestion de la forêt, elle peut être insuffisante lorsque les conditions météorologiques s'emballent. Donc, je dirais que, quand même, la première chose, c'est de limiter le changement climatique au maximum. Hein. C'est ça, quand même, globalement, ce qu'on peut faire pour que dans le futur, à l'échelle de 2100, les risques, on arrive à réduire ces risques incendies. Un mot de conclusion, peut-être, Plinio-6. Est-ce que on évoquait tout à l'heure le cas de la France, des projections pour la France qui ne connaît pas, pour le moment, de méga incendies au sens de ce qu'on vient de définir. On dit que, mine de rien, ça peut arriver jusque chez nous, ça peut arriver dans le sud-est de la France, passer même dans le nord de la France. Hein, je lis des projections d'ici à 2060, 10 à 20 jours d'incendies dans toute la France, 80 à 100 jours par an sur les territoires en bordure de Méditerranée. Oui, je pense que effectivement il y a urgence à agir, et je pense que ces méga-feux devraient justement nous inciter à agir maintenant, ne pas avoir le réflexe de dire de toute façon on peut rien contre ces méga-feux, il faut s'adapter. Mais l'adaptation, elle passe aussi par l'atténuation du changement climatique. Donc il faut aujourd'hui avoir vraiment une politique volontariste de transition écologique, et c'est maintenant, parce que plus on attend et plus ça sera compliqué de combattre ces phénomènes liés au changement climatique. Mélanie Rochaud, mot. Ce qu'on peut rajouter, c'est que finalement, avec les changements climatiques, la zone qui est considérée comme méditerranéenne, elle va revenir plus vers le nord. Donc, potentiellement, il y a des zones qui n'ont jamais eu de feu, qui vont être touchées par les feux. Typiquement, le massif central. Et là, il y a quand même beaucoup de masses de forêts et de végétation qui peuvent brûler. Donc, c'est vraiment important d'atténuer le changement climatique. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ces incendies géants. Merci Mélanie Rochou, merci Plinio-6, merci Dorian Gaborio. Un mot pour vous dire qu'à partir du 28 janvier, vous pourrez retrouver sur Arte un documentaire spécial sur cette question incendie géant, enquête sur un nouveau fléau. Ce sera évidemment disponible en replay peu de temps après. Et puis aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver le jour, de retrouver Les Idées Claires. Les Idées Claires, qui est un podcast natif que vous pouvez retrouver sur l'application Radio France, et puis également une vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, avec pour thème aujourd'hui la grève. Est-ce que ça marche ? Eh bien, voilà, une réponse scientifique compte tenu de l'histoire sociologique et démographique des pays en grève. C'est à retrouver chaque semaine sur vos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Thibaut Nassim Ben aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons précisément des retraites, de cette réforme des retraites, mais vue par le prisme des chercheurs et des scientifiques et des enseignants-chercheurs. Quels avantages, quels inconvénients ? On essaie de faire le tour de la question demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.